21.1 Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. Robert et Mireille sont encore à la terrasse de la closerie des Lilas. Ils sont en train de boire leur troisième tir. Alors comme ça, vous trouvez qu'on enseigne beaucoup de choses inutiles? Quoi, par exemple? Ben, je ne sais pas, moi. Presque tout. Prenez les mathématiques, par exemple. La géométrie, la trigonométrie, le calcul intégral, le calcul différentiel. À quoi ça sert, tout ça? Une fois qu'on sait faire une addition, une soustraction, une multiplication, une division, c'est tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, maintenant, avec les petites calculatrices électroniques et les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Oui, mais enfin, les ordinateurs, il faut quand même les programmer. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. Il est 11h45. 11h45. À l'horloge de l'observatoire. À l'horloge de l'observatoire. Il est 11h45 à l'horloge de l'observatoire. Quelle heure est-il à l'horloge de l'observatoire? Robert et Mireille sont encore à la terrasse de la closerie des Lilas. Ils sont encore à la terrasse de la closerie des Lilas. Où sont Robert et Mireille? À la terrasse de la closerie des Lilas. Ils sont en train de boire leur troisième tir. Leur troisième tir. Ils sont en train de boire leur troisième tir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de boire leur troisième tir. Une fois qu'on sait faire une addition, une soustraction, une multiplication et une division, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Une fois qu'on sait faire une addition, une fois qu'on sait faire une addition, c'est tout ce qu'il faut. Une addition, une soustraction. Une multiplication. Une division. Quelles sont les opérations mathématiques qu'il faut savoir faire? Une addition, une soustraction, une multiplication et une division. Mais d'ailleurs maintenant, avec les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Ce n'est même plus la peine. Ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Avec les ordinateurs. Avec les ordinateurs, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter. Maintenant, on a des ordinateurs et des calculatrices. Est-ce qu'il faut encore apprendre à compter? Non, ce n'est même plus la peine d'apprendre à compter.